17h07 sur France Inter. Allez, on se détend avec la bande de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Merci Marie-Gaëtelle. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Je vais rentrer chez moi tout simplement. J'ai terminé ma journée, donc moi je m'en vais. Mais et pas que quand même. Bah si, exactement. Mais avec quoi dans les oreilles ? Bah, France Inter, bien évidemment. Je vous écoute. Il a fallu y aller vous chercher. Hein, je sais pas, on va vérifier. On va envoyer quelqu'un vous contrôler, faire une palpation de sécurité de vos oreilles. Merci. Écoutez, comment nous avons préparé cette émission avec le plus grand sérieux, égard à la qualité de l'invité, bien sûr. Bonjour à tous. J'aime le jeudi. Oui, moi aussi, j'aime le jeudi. Le jeudi soir. Bon, installe-toi, Clara, parce qu'on parle des sujets. Ah, c'est qui l'invité ? C'est Toby Nathan. Ouais. J'adore les grands écrivains. Ah bon, pourquoi ? Parce que je me sens moins seule. C'est donc un écrivain, ce gars-là. Mais enfin, Alex, mais oui. Mais oui, mais c'est parce qu'il a un nom de joueur de basket. Ah, c'est vrai, de NBA. Mais oui, il gosse for the dunk, Toby Nathan. Alex, mais depuis quand est-ce qu'on invite des joueurs de basket ici ? Depuis que Tony Parker a pas voulu venir, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, parce que je comprends pas bien. On reçoit l'une des plus grandes plumes de son temps, et vous allez donc lui parler de NBA. Non, on va lui parler de son livre. Oui, et puis il a un avis sur les migrants. Oui, mais ça, moi aussi, j'ai un avis sur les migrants. Ouais, enfin, lui, il a quitté l'Égypte. Donc on fait un sujet sur les migrants. Mais oui, mais c'est fou, tous ces gens qui quittent comme ça tout. C'est très romanesque. Dis, Clara, si Alex il devait migrer de Belgique, tu l'hébergerais, toi ? Non ! Ah bon, parce que c'est un migrant ? Non, parce que c'est Alex. Oui, bon, on peut parler du sujet 2, là. Il y a un article sur le sexe neutre. Ah bah oui, super, il est ethnopsychiatre. Il est quoi ? Ethnopsychiatre. Je savais même pas que ça existait comme boulot. Oh là là. Bon, on a deux sujets forts. Ou alors peut-être un sujet plus léger pour finir. Moi j'ai une idée, on va faire un sujet basket. Oh là là. Il est consternant. Elle parle de qui ? Je pense qu'elle parle de toi. J'aime quand elle parle de moi. Même si c'est pour m'insulter, bah j'aime ça. Pauvre mec. Je bande. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti. Et voici les trois informations qui finiront en rondelle à 18h. L'appel à 800 signatures du monde culturel n'a permis de créer que 200 places de réfugiés dans la jungle de Calais. Allez, 203 places si on compte les 3 people qui sont prêts à accueillir une famille. Avez-vous signé la pétition ? S'il vous plaît, je suis un peu just, j'ai que 2 signatures. La justice autorise la création d'un nouveau genre, le genre neutre pour les personnes nées avec une ambiguïté sexuelle. Voilà une nouvelle identité à inventer en dehors du conflit masculin-féminin. Je compte sur vous. Voilà, merci madame. Pardon ? Ah c'est monsieur, excusez-moi, au revoir monsieur. Pour inciter le contribuable à remplir sa déclaration sur internet, les agents des impôts sont sommés de compliquer la tâche au guichet. Oui, et de décourager les gens qui se déplacent. Ça se passe dans les Alpes-Maritimes. Guichet du... Voyons, où l'ont-ils mis celui-là ? Troisième étage, couloir B, porte 6. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est capable de profiter de l'attente au guichet pour draguer dans la file d'attente. C'est bien sûr Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker et aujourd'hui une belle équipe, le 5 majeur, autour de la table à 17h20. La friandise de cette émission, sucrée, croquante et légèrement alcoolisée, c'est le Mon Chéri. C'est Juliette Arnaud qui nous parlera de cinéma. Oui, et de Woody Allen. Et de Woody Allen, formidable. À 17h30, s'il était une friandise, ce serait un bonbon au poivre. Il a l'air tellement appétissant quand il approche son micro, les gens se laissent piéger. Puis ils goûtent à sa question, ils ont cette petite envie de leur cracher. C'est Guillaume Meurice. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé à la fameuse taxe tampon, un sujet qui passionne nos députés, surtout les plus virils d'entre eux. Tiens, Jacques Millard, le copain de Bachar. Je ne me prononcerai pas sur ce problème. Pourquoi ? Pour une évidence. Bah oui, l'évidence, c'est que tu t'en tapes complètement, Jacques. Et enfin, à 17h40, elle, ce n'est pas une friandise, c'est tout le ballotin de praline. Et pour moi qui suis gourmand, c'est extrêmement frustrant d'avoir ça sous mon nez tous les jeudis et de ne pouvoir y goûter. Bonjour, Clara Dupont-Mono. Bonjour, le ballotin de praline. Je sens qu'il vous a plu ce petit lancement. De quoi on va parler ? Bonjour, Alex. Du livre de l'autre. Du livre de l'autre. Les gens, en gros, vous me détestez. Je ne vous insulterai pas parce qu'il y a un peu de décence à avoir. Allez, chaque jour dans cette émission, en effet, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous le roi Farouk. Vous quittez l'Égypte pour l'Italie en 57, l'année où Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Vous devenez professeur de psychologie clinique et pathologique à Paris 8 en 86, quand le pouvoir connaît une nouvelle pathologie qui s'appelle la première cohabitation. Vous publiez Ethnoroman, qui reçoit le prix Femina de l'essai en 2012, l'année où l'artiste masculin de l'année, c'est M. Pokora au Energy Music Awards, qui vous fait un point commun avec lui. Donc vous êtes... A priori le seul, je pense. Vous êtes... Il faut que je dise qui je suis. Allez, dites-nous. Ou un nom au pif, dites. Toby Nathan. Ah ben voilà. Mais c'est lui. Vous avez dit un nom sur au pif. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Toby Nathan, vous publiez Ce pays qui te ressemble chez Stock. Et je veux dire que nos auditeurs vous attendent parce que vous avez programmé lors de notre venue à Nancy. Patrick Cohen et le 7-9, vous avez piqué Toby Nathan. On l'a mal vécu, cette affaire. Oui, parce que quand même, le 7-9, c'est une émission de divertissement. Et puis nous, on fait de la formation et on passe à normal. On a réglé. Et à la sortie aussi, les auditeurs nous ont dit, mais enfin, c'est pas Toby Nathan. Donc vous êtes attendu, Toby Nathan. Mais vous avez eu un très bon écrivain à ma place. C'est vrai. C'est vrai, mais oui. On était ravis, évidemment. Oui, évidemment. Oui. Et en plus, vous êtes là, donc pour nous, c'est gagnant-gagnant, comme dirait Ségolène Royal. Alors, vous avez un autre écrivain à la table. La spécialiste du basket. Ouais. Clara Dupont-Monod. Pardon. Vous avez des questions pour notre invité, Toby Nathan. Oui, parce que alors votre roman, il s'appelle « Ce pays qui te ressemble ». Donc, vous venez de le faire paraître chez Stock. Et c'est une fresque. On peut le dire comme ça, Toby Nathan. C'est une grande fresque. Vous pouvez lui dire non. Hein. Ouais, enfin, je peux dire non. Ouais, dites-lui non. Mais c'est comme ça que c'est décrit dans la presse. Oui. Dans les dents de Guillaume Meurice. Alors, il y a des histoires d'amour interdites, il y a des histoires d'ascension sociale, il y a des histoires d'extrémisme rampant. Et il y a une partie qui est très intéressante, où on voit, dès 1945, les frères musulmans qui embrigadent une partie de la population du Caire et qui, quand même, chauffent les foules. Et il y a notamment le basculement d'un de vos personnages. Et je vous cite un tout petit passage. « Le djihad, dit alors Abdelraouf, le djihad, c'est notre voie vers Dieu. Le djihad, s'étonna Nino, le lettré, pour qui ce mot signifiait seulement l'effort de la cèse. » Alors déjà, première question, l'étymologie du mot djihad, c'est donc l'effort de la cèse. Oui, c'est un effort intérieur, c'est ça que ça veut dire. Et pour quelqu'un qui est un lettré, qui parle arabe, l'arabe classique, c'est ça que ça signifie. Ça a pris le sens que ça a pris, à peu près avec les frères musulmans, qui ont commencé en 1928 à Alexandrie. Et en fait, c'est une création égyptienne, les frères musulmans. Tout vient d'Égypte, vous savez, même moi. Alors, peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas encore entendu parler de cet ouvrage, alors c'est difficile de passer à côté quand même, parce qu'en plus vous êtes dans les 15 livres dans la liste du Goncourt, je ne m'abuse. Même dans la deuxième, même. Et voilà. Dans les 8. Dans les 8 maintenant. J'ai raté un. Si vous ne l'avez pas, vous demanderez à Clara. J'avais raté un train. Pour s'en remettre. Alors, on peut raconter brièvement l'histoire. Donc, la petite histoire qui rencontre la grande histoire. Clara, revenez avec moi parce que je... Absolument. Vous êtes avec nous là. Absolument. Non, alors on est dans le ghetto juif du Caire et en fait on voit des destins s'entremêler en fait. Alors il y a une histoire d'amour magnifique entre un frère et une sœur. De lait. Voilà, ce qui était très très tabou à l'époque. Quand on avait allaité la même mère, on ne pouvait pas. Donc il n'y a pas les mêmes parents biologiques, mais c'est la même personne qui a allaité les deux. C'est exact. Voilà. Surtout que la sœur de lait, la sœur est arabe, donc ce qui rend l'amour et le monsieur est juif. C'est ça. Voilà, et ils s'aiment. Et ils s'aiment, c'est plus que de l'amour, c'est une sorte de magnétisme terrifiant, quoi. C'est-à-dire que quand ils sont en présence l'un de l'autre, hop, ils se collent l'un à l'autre, ils peuvent plus se détacher. Et puis après, ils se demandent, mais quoi, je l'aime pas, ils savent même pas, quoi. C'est mécanique, quoi, c'est fabuleux. Alors ça, c'est un des destins qu'on peut suivre. En parallèle, il y a aussi, comme les personnages grandissent et vieillissent, certains montent des commerces d'alcool, alors que c'est la prohibition. On voit s'entremêler tout ça, sur fond quand même de politique. Et vous avez une description du roi Farouk, qui est terrible. Pourquoi ? Eh bien parce que, alors, si je résume, il est quand même très kleptomane. Il est devenu de plus en plus, vous savez que quand il a été chassé, Nasser, pour montrer quand même dans quel état de déréliction était arrivé Farouk, il a ouvert les salles dans lesquelles il collectionnait ses objets qu'il volait chez les gens, en fait. On l'appelait le voleur du Caire. Il arrivait, quand Farouk venait dîner dans une maison riche, quoi, on planquait l'argenterie quand même. Hein. Donc il était vraiment klepto, quoi. Vraiment, c'était un kleptomane. Mais à part ça, j'ai beaucoup de sympathie pour Farouk. Moi, je suis un psy, donc je m'intéresse aux gens qui souffrent. Et alors, dans la destinée psychanalytique de l'Égypte, vous le voyez comment? Parce que vous avez écrit un livre sur vous qui s'appelle Ethnoroman. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, c'est quoi? C'est Ethno-Égypte? C'est pas tout à fait Ethno-Égypte. C'est Ethno... c'est pas Ethno. Hein, c'est moi, enfin, bon, je vais vous dire. La chose la plus intéressante pour moi, c'est de raconter des histoires. C'est ça, parce que, vous savez, les migrants, les langues sont... Moi, je suis un migrant... Donc les langues ne tiennent pas, quoi, puisqu'on change de langue, etc. Donc on ne s'intéresse pas tellement aux langues, mais aux histoires. Parce que les histoires traversent les langues, les vraies histoires. Vous pouvez les raconter dans une autre langue, etc. Et reste l'histoire. La force, c'est l'histoire. Donc c'est l'histoire qui m'intéressait, les histoires. Bon, après, l'Égypte, non, c'est le destin d'une communauté. Vous voyez, c'est une communauté, la communauté juive d'Égypte. Bon, c'est une toute petite communauté, c'est personne, si vous voulez. Il y avait 70 000 âmes. Je suis pas sûr que tout le monde avait une âme, d'ailleurs, mais enfin, on dit comme ça, quoi, 70 000 âmes. C'est très peu. Mais ils étaient là depuis l'Antiquité. Et ils étaient là probablement depuis les pharaons, quoi. Et puis ils ont toujours été là. Puis un jour, on leur dit, vous êtes des étrangers. C'est peut-être les seuls autochtones du coin, quoi. On leur dit, vous êtes des étrangers, et vous fichez le camp. Et moi, j'étais un de ceux-là. Donc, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi et j'ai voulu restituer ça, cette histoire-là. Ouais. Et ouais. Une histoire d'amour dans une petite communauté qui s'inscrit dans la grande histoire de l'Égypte qui est racontée. Et Clara Dupont-Monnet reviendra tout à l'heure avec aussi l'histoire des rues et de ce qui s'y passe à l'époque. Nous sommes en compagnie de Toby Nathan jusqu'à 18h dans Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter. Toby Nathan, ce pays qui te ressemble, c'est publié chez Stock et on en reparle tout à l'heure, entre autres blagues et informations. Nirvana, About a Girl sur France Inter. Et autour de la table, Clara Dupont-Mono. Oui, bonsoir. Ça va de mieux en mieux. Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et notre invité, Toby Nathan. Toby Nathan, si vous avez des conseils de drague à donner à Alex Vizorek pour choper Clara Dupont-Mono, parce que ça fait très très longtemps qu'il est sur le dossier. Mais, ça a l'air, mais il insiste, quoi. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Eh bien, je vous remercie. Pas. Et ça, Clara, vous remercierez. À 17h22, oui. Il est presque 17h17. Allons-y. Et donc il est temps d'informer le monde. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. 800 people appellent à la dignité concernant la jungle de Calais. Les migrants essayent de fuir cette jungle où ils sont confrontés au froid, à la boue, à l'humidité, avant d'essayer de rejoindre l'Angleterre où ils seront confrontés au froid, à la boue et à l'humidité aussi. Migrants toujours, on parlera de Jérôme Cahuzac. Et enfin des brèves, parce que c'est beau, une brève. Et on commence par cette information. Marine Le Pen menace de ne pas rester jusqu'au bout de l'émission des paroles et des actes ce soir sur France 2. David Pujadas lui a imposé 6 débats. Ah bah c'est sûr, hein, quitte à la faire venir pour gagner de l'audience, autant la garder. Ouais, oui, donc il se peut que l'émission soit écourtée. Oui, mais ce serait cohérent avec le FN si elle n'est que dans la partie des paroles. François Hollande se rend en Grèce. Oui, il va essayer de gronder Tsipras, j'imagine. Ah bon, pour l'Europe, tout ça? Non, je crois qu'il va l'engueuler parce que Tsipras, quand il pense que le peuple ne soutient pas, bah, il démissionne. Ah bah oui, clairement, ça c'est un concept qui doit échapper à François Hollande. C'est sûr. Oui. Passons à l'appel des 800. En une de Libé, 800 personnalités ont signé un appel aux autorités pour sortir la jungle de Calais de l'indignité. Et c'est beau quand les people prennent les choses à bras le corps. Et vous pensez ça. Pas si bien dire, ça a immédiatement inspiré à Frédéric Lopez un concept d'émission. Bienvenue dans Rendez-vous en terrain connu. Aujourd'hui, je suis avec Ariel Dombal. Bonjour Frédéric. C'est vous qui sortez comme ça? Nous sommes dans la jungle de Calais avec une tribu tout à fait particulière, puisqu'au contraire des autres tribus, elle a tendance à s'agrandir. Il s'agit là de la tribu des migrants. Ah, comme ils sont mignons. Les migrants, Ariel Dombal, les migrants. Bonjour, je suis comme vous. Hein. Moi aussi, j'aime les bambous. Voilà, il dit qu'il est très touché. Mais ils cherchent à aller en Suisse ou en Belgique? Oui, ils peuvent. Ils ont fui leur pays car ils avaient peur. Ah, mais moi, je comprends. Moi aussi, j'ai pris peur au moment de payer le premier trier provisionnaire. Non, en fait, non. Ils ont fui Daesh. Hein. Ah, ouais. Daesh. C'est comme ça qu'on dit fisc en syrien. Non, c'est pas exactement. Non, pas vraiment. C'est Je savais pas qu'on pouvait fuir son pays pour d'autres raisons que fiscales. Je suis très impressionnée. Bon, Ariel, venez. Nous allons prendre quelques photos avec ces gens. Ah, ça, je sais faire. Bernard Henry m'a appris à poser en conditions extrêmes. C'est beau, ça va cartonner une fois de plus, Frédéric, on le souhaite. Passons à l'international. Petra Laszlo, la journaliste qui avait fait un croche-patte à un migrant, porte plainte contre le migrant. Ah bah il a fait une entorse. Bah non, il a nué à sa carrière. Ah, pourtant d'habitude, quand une journaliste lève la jambe, ça l'aide dans sa carrière. Sans transition, Claire Chazal, n'y voyez pas de lien. Claire Chazal réclamerait non pas 2, mais bien 3,2 millions d'euros d'indemnité à TF1, soit quasiment 1 euro par téléspectateur qu'elle a eu chaque soir. J'espère que Maïté Nabi Rabin ne va pas faire le même calcul. Venons-en à Jérôme Cahuzac. Oui. Qui aurait déclaré à ses soutiens... Il a des soutiens. Ah bah apparemment, 300 dans son ancien fief Villeneuve-sur-Lot. Ah, ouais. Les ravages de l'amnésie dans le sud de la France. Ouais. Donc Jérôme Cahuzac, il aurait déclaré devant ses soutiens « J'ai payé le fait d'être trop brillant ». C'est vrai. Autant dehors, ça brille. C'est vrai. Alors, parce que la vanne, elle est après. Ça, c'est vrai. Elle a vraiment dit, c'est de l'info. Ça. Je cite fin de citation, j'aurais dû dire. Et on termine avec du sport. Oui, avec ce titre fou. Cristiano Ronaldo pourrait toucher 20 millions d'euros pour ne pas jouer dans le prochain film de Scorsese. Comme quoi, c'est beaucoup plus rentable d'être un mauvais acteur qu'un bon. Et Juliette Arnaud me regarde, en fait, c'est qu'il devait jouer un rôle et le type dont est inspiré le film a refusé qu'il soit dans le film et donc la prod lui doit 10 millions. Il a dit bah non, si j'y suis pas, j'en veux 20. Donc, oui. Et on remercie notre co-auteur de la semaine. Vincent Leroy, qui d'ailleurs dit il bosse beaucoup. En ce moment, il y a une pièce à lui au Beau Saint-Martin, Prête-moi ta femme, notamment avec Labajon avec qui il bosse. Donc allez-y voir des sketchs YouTube, Labajon et Vincent Leroy. Merci à lui. Voilà, on reprend le cours de cette émission normale avec Toby Nathan qui publie Ce pays qui te ressemble aux éditions Stock. Et avec vous, on va aborder le premier sujet de cette émission. Le premier sujet, c'est les 800 artistes. C'est pas que des people, il y a des artistes qui ont lancé un appel pour sortir les réfugiés de l'indignité. Réponse de l'État hier via Bernard Cazeneuve, 200 tentes chauffées supplémentaires. Alors qu'ils sont 6000 dans la jungle de Calais, l'État ne semble pas plus sensible à la situation des réfugiés qu'à un appel d'artistes engagés. Je suis un artiste dégagé. Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens pas les problèmes de mon époque avec la même acuité de cœur que n'importe quel pourri de gauche ou de droite qui se précipite à la télévision chaque fois qu'un drame social lui permet de montrer son émotion à tous les passants. Dégagé, oui. Indifférent, non. Les injustices sociales me révoltent. Ne changera-ce donc jamais ? Alors, du Desproges, évidemment. Des cinéastes sont à l'origine de cet appel, qui est fini par l'appel des 800. Hein, sortez la jungle de Calais de l'indignité. C'était la une de Libération hier. Il y a notamment Catherine Corsini, Romain Goupil ou Nicolas Philibert. Ils se sont rendus à Calais, quelques-uns, ils étaient trois. Donc, les 797 autres signataires, et bien sûr, ils ont apposé leur nom au bas d'une pétition, mais tout ça semble bien dérisoire. On a l'impression que ça ne crée pas vraiment de dynamique aujourd'hui. Alors Toby Nathan, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une dynamique finalement quand il y a 800 artistes engagés qui signent une pétition aujourd'hui? Bernard Cazeneuve, il annonce 200 ans de chauffer et puis c'est tout. Alors, là, vous me prenez de court. Hein, mais je veux dire... C'est le but, hein, c'est le but. On espère que vous répondez une connerie. Ça, je vous le dis comme ça. Je vais essayer de vous dire vraiment ce que je pense. Il y a deux choses. D'abord, c'est vrai que la jungle de Calais est quelque chose d'indigne. C'est vrai. Maintenant, la question des migrants n'est pas la question de Calais. La question des migrants, c'est une question qui leur appartient. Ils viennent là pour des raisons qui sont les leurs, dans un parcours qui est le leur. Alors, grand Dieu, occupons-nous de leur affaire, si on veut se faire quelque chose pour eux. Qu'il y ait des gens qui s'indignent, ce n'est pas leur affaire. L'intérêt des migrants, ce n'est pas de soulever l'indignité ou de permettre à des non-migrants d'exprimer leur compassion. Ce n'est pas ça leur problème. Non, mais ont des vraies questions. Donc, s'intéresser à eux, à leur parcours. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas ? Qu'est-ce qu'ils sont que nous ne sommes pas ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux ? C'est-à-dire qu'on se pose les mauvaises questions aujourd'hui, alors, Toby Nathan ? Bien sûr. Mais là, on est à côté de la plaque, quoi. Est-ce que vous n'avez pas une démarche d'ethnopsychiatre, là où, justement, on demande une réponse politique, une démarche politique ? Moi, je trouve que j'ai une démarche politique, moi. Quand je dis ça, de psy politique, je veux dire, pas la psy, la politique, c'est pas très éloigné, hein, je vais vous dire. Mais ça, c'est une autre question, mais... Je dis que pour véritablement aider, si on veut faire quelque chose, c'est même pas pour les aider, faire quelque chose, agir sur le monde, c'est-à-dire que mon existence, pour que mon existence ait un sens, il faut qu'elle modifie le monde. Modifier le monde, c'est certainement pas avoir de la compassion, avoir de la pitié, faire des pétitions, c'est pas ça. C'est comprendre qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que ça change dans mon univers ? Qu'est-ce que cette présence-là change dans mon univers ? Qu'est-ce que j'apprends par leur existence ? Donc l'idée, le vrai engagement, par exemple, de ces 800 signataires, ce serait, comme l'ont fait les trois premiers qui sont à l'origine de l'appel, c'est d'aller sur place et d'aller voir qui sont ces gens et de les connaître. C'est ça aussi une réponse. C'est ça, de les connaître et puis de rentrer dans leurs questions. Rentrer dans leurs questions. On dit qu'ils viennent de Syrie. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a en Syrie ? Pourquoi on est obligé de partir quand on est en Syrie ? Qu'est-ce qu'il y a véritablement en Syrie ? Parce qu'il y a beaucoup de choses en Syrie. Il y a eu un bouquin qui vient d'être publié par mon éditeur, justement, Stock, qui a un excellent éditeur. Perdez pas le nord, je dis ça pour essayer d'obtenir quand même des avantages. Quand même. Mais donc j'en conclus que finalement, l'idée d'emmener, que Frédéric Lopez emmène un people dans la jungle pendant 15 jours et en fasse une émission en prime time sur le service public, c'est pas si bête. Bon, je sais pas si c'est ce genre d'émission qui conviendrait. moi, j'aimerais bien passer un long moment avec des migrants, un long moment, calme, tranquille, en dehors de la cohue, des journalistes, etc., et d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout le mouvement. Alors qu'on a une vision de masse. Quelles sont les forces qu'il y a derrière ? Quelles sont les puissances qui les poussent à sortir, qui les contraignent à sortir ? Ça, mon monde va changer à ce moment-là parce que j'aurai appris quelque chose. Si je sais déjà que j'ai de la compassion, que j'ai de la pitié et que je peux l'éprouver sur eux, je vois pas l'intérêt. Mais ça se trouve, en allant sur place, on n'en aura plus. On se dira finalement c'est des cons. C'est possible. Je pense pas parce que vous allez être étonné parce que ils sont autre chose que ce que vous pensez. Et forcément, ils sont forcément autre chose que vous pensez. Toby Nathan ne sera pas le 801e signataire donc de la. Julie Ternot avait une vraie bonne question. Est-ce que Julie Gayet l'a signé cette Oui, parce que j'ai pas vu la liste des 800 pays. Je trouvais ça assez fatigant. Je n'ai pas lu les 800 noms, mais on peut faire une recherche et vous donner la réponse. Il y a la liste. Bien, elle est disponible sur internet, pas dans le journal in extenso. Mais justement, Julie Ternot, puisque vous posez les bonnes questions, puisque vous êtes là à l'ouvrir, j'ai envie de vous laisser le micro. Tout à fait. Alors, figurez-vous que ce week-end, je suis allée voir le dernier Woody Allen, L'homme irrationnel. Oui, c'est génial. Et c'est pourquoi j'ai décidé de chroniquer Annie Hall. 1977. Écrit, réalisé et joué par Woody Allen dans le rôle du garçon et Diane Keaton dans celui de la fille. Et je vais vous prouver, Toby Nathan, les autres, mes amis, qu'Annie Hall est une comédie romantique et peut-être la meilleure des comédies romantiques. Qu'est-ce qu'une comédie romantique ? D'abord, ça doit être drôle. Ensuite, le garçon rencontre la fille et à la fin, tout est super. Bon, pour se garder un peu de frisson, on fait semblant qu'on ne sait pas que le garçon et la fille vont finir ensemble. Épisode classique, du haut puis du bas, du chaud puis du froid. Tu fais d'ailleurs tellement bien semblant que tu sais pas que là, à la fin, t'es pas loin d'être étonné. Mais en vrai, tu l'es pas. Or là, le film commence par un monologue du garçon, en l'occurrence Woody Allen, qui dit « Annie et moi, on a rompu ». Et puis, il s'interroge sur comment ils ont pu en arriver là. Donc, on sait que ça finit pas bien. C'est même plié dès le début. Hein. Et ça, c'est contraire aux lois de la comédie romantique, plié depuis le début. Ah oui, parce que sinon, c'est un drame. Genre, Phèdre, elle rentre sur scène, elle dit « Soleil, je te viens voir pour la dernière fois ». Là, on sent qu'elle va crever. Et effectivement, c'est ça qui arrive. Peut-être parce qu'en 1977, Woody Allen, il a 42 ans et pas 25. Et que son histoire avec Diane Keaton, dans la vraie vie, elle vient de se finir. Et qu'il sait, Woody Allen, que les histoires d'amour finissent mal en général. C'est-à-dire qu'elles finissent tout court. Pour autant, Annie Hall, c'est quand même une comédie romantique. Preuve numéro 1. Comme dans toute comédie romantique de base, tout oppose le garçon et la fille. Elle est chanteuse débutante, il est un humoriste reconnu, il aime le cinéma d'auteur, elle doit prendre des cours du soir pour suivre, elle aime vivre, il ne lui offre que des romans où il y a le mot « mort » dedans. Elle rêve de Los Angeles, il est né à Brooklyn et tombe malade rien qu'à l'idée de quitter New York. Il a été réformé à vie par l'armée, il dit que si jamais il y a la guerre, il sera otage professionnel comme situation. Elle conduit sa coccinelle comme une assommée, elle aime fumer un pétard de temps à autre, surtout avant le sexe, comme je la comprends. Il éternue sur la cocaïne lorsqu'on lui en propose. Elle a une grand-mère qui lui fait des cadeaux. Il lui répond que la sienne de grand-mère était trop occupée à se faire violer par des Russes pour lui faire des cadeaux. Preuve numéro 2. Comme dans toute comédie romantique, on t'instruit. On te conseille pour ta vie amoureuse à toi. On te donne des ruses. Une ruse que j'ai retenue de Annie Hall. Vous savez quand vous avez rendez-vous pour aller dîner avec quelqu'un. Bon, mais en fait, vous savez que vous n'allez pas... Enfin, que... Eh bien, il vaut mieux s'embrasser avant le dîner. Vous savez pourquoi ? Comme ça, après, on profite bien du dîner, parce qu'on n'a pas la pression. Voilà. Merci qui ? Merci Woody. Et la preuve absolue que Annie Hall, c'est vraiment une comédie romantique, c'est la chose suivante. C'est que, bien que pendant tout le film, Woody Allen, il ait tourné toute cette histoire en dérision, à la fin, il te remet des images que tu as déjà vues. Hein, des images que tu as vraiment déjà vues de deux. Des moments de la vie de la fille et du garçon. Il n'y a rien de neuf, il n'y a pas de trucage non plus, sauf qu'il a enlevé les dialogues. Et à la place, il y a Diane Keaton qui chante, avec son joli filet de voix, « Seems like old times ». Et là, vos yeux commencent à piquer. Ouais. Ouais. Il y a un truc qui serre votre gorge. Ouais, ouais, c'est bien ça en fait. Vous avez envie de pleurer comme un veau. Et ça, ça c'est la preuve que c'est une comédie romantique. Juliette, Arnaud, merci. C'est beau, ouais. C'est beau, hein. Ouais. Je vous sens sous le charme, Toby Nathan. C'est beau. Ah ouais, couplet, là. Bon, écoutez, alors, on peut enchaîner une musique. Je pense que je vais faire un basketteur. J'ai fait des recherches. Julie Gayet n'a pas signé. Oh, en revanche, Hippolyte Girardot a signé, donc on va le chambrer son retour lundi. On lui proposera d'aller à Calais, mieux connaître les migrants. Voilà, c'est le conseil de Toby Nathan dans cette émission. Allez, un peu de musique avec Hubert Félix Thiéfaine. Tiens, on aimerait l'inviter s'il nous écoute. Venez. Je croise des soleils aux ardeurs érotiques, avec des cris perdus sur des sourires de femmes, bercés par les étoiles d'une essence romantique. J'ai trop longtemps cherché mes visions dans les flammes. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. La vitesse de lune autour de nos orbites. N'arrête pas les sanglots froids de l'humanité. Et l'œil désespéré dans son triangle en quitte semble soudain jaloux de nos fiévreux baisers. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Mais gâche pas mon enfer avec ton paradis. Je veux brûler pour toi, petite. Mais lâche pas tes prières sur mes cris hypocrites. D'aucuns me disent rebelle et d'autres inéfugés. Mais mes divagations n'emmerdent plus personne. Je caresse mon corbeau en chantant du rufflé et joue pour les voyous virés de la Sorbonne. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Je veux brûler pour toi, petite. Je veux brûler pour toi. Stratégie de l'inespoir, Hubert Félix Thiéfaine sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout, une émission préparée par Nathalie Romero, Sophie Hoffmann, avec la collaboration précieuse de Mathilde Verfaillie, qui fait son dernier jour de stage aujourd'hui. Merci à elle. Vous êtes sur France Inter, il est 17h38, nous sommes en compagnie de Toby Nathan. Vous publiez Ce pays qui te ressemble chez Stock, on va en reparler dans quelques minutes avec Clara Dupont-Monod. Mais à cette heure-ci, c'est ce qu'on appelle le moment Meurice, Toby Nathan. Soyez attentifs. Parce que c'est un exercice périlleux. Nous sommes sur ligne de crête, comme on dit dans la presse. Tout à fait. Charline, je voudrais commencer par une question que posait sur cette même antenne, dans le 7-9, une intellectuelle française dont je tairai le nom. Appelons-la Clara DM pour respecter son anonymat. Écoutons-la. Elle s'adressait à une représentante d'une association féministe. Est-ce qu'on peut être féministe et avoir de l'humour ? Ben oui, évidemment. Oui. Bon voilà, c'était juste l'info du jour, il faut appeler l'AFP. Voilà, alors, rappelons que cette fameuse Clara, non, elle est anonyme, hein, je ne veux pas non plus la griller, cette fameuse Clara est plutôt spécialiste du Moyen-Âge, hein, qui est quand même une époque où le féminisme était davantage celui de DSK que de l'âme de gouge. Mais pas donc du tout. Elle a quelques excuses, ne vous grillez pas Clara, ce n'est pas vous, je vous le rappelle. Parce que oui, de l'humour, il en faut pour être féministe, hein, quand on écoute les débats. Les chroniques de Meurice aussi. Et quand on écoute les débats à l'Assemblée en ce moment, une proposition d'amendement visant à faire passer les produits d'hygiène féminine comme produit de première nécessité avec donc une TVA réduite à 5,5 a été rejetée il y a quelques jours. On appelle ça la taxe tampon. Je suis donc allé à la rencontre des parlementaires. Commençons avec une députée, Karine Berger, élue du Parti Socialiste. Pourquoi le rejet de cet amendement ? Parce que justement, il a été instrumentalisé par un certain nombre d'autres lobbies qui ont tenté d'utiliser cette demande pour justifier d'autres formes de baisse de TVA. Chaque fois qu'il y aura une manipulation de lobbying sur un certain nombre de demandes de baisse de taxation, il est évident que le gouvernement ne pourra pas céder sur l'ensemble des demandes. Voilà, des lobbies de la protection féminine sont donc à la manœuvre. On est, passez-moi l'expression, à deux doigts d'un scandale d'État, un véritable tampon-gate. Heureusement, quelques députés veillent aux valeurs de notre République. Alors, pas tous, il y a des inconscients, il y a des foufous. Il y a Razi Hamadi, député PS, qui lui a voté pour l'amendement et qui va même plus loin dans les baisses de TVA. Alors, je vous rappelle que ma question portait sur l'hygiène féminine. Par exemple, je vous donne un exemple. La billetterie. Lorsque vous allez voir ce que l'on appelle un spectacle vivant, vous avez une TVA à 5,5. Lorsque vous allez voir un DJ dans un établissement, vous payez sur la billetterie une TVA à 26. Voilà, donc on appelle ça l'amendement DJ. Voilà, alors vous allez me dire, mais quel rapport ? Mais c'est oublier que les DJ, souvent, ça fait saigner les oreilles. Donc, le lien paraît évident, on peut même imaginer des tampax d'oreilles à taux réduit, hein, à 5,5. Alors, ceci dit, il fait bien de rappeler que le taux de TVA sur les spectacles vivants est effectivement réduit lui aussi, parce que du coup, ça nous rappelle qu'un billet pour un spectacle de Jean-Marie Bigard a une TVA de 5,5. Alors, est-ce que le sketch sur le lâcher de salope est de plus grande nécessité qu'un tampax ? Tentative de réponse avec Philippe Duron, député du Calvados. C'est une question un peu difficile, mais je dirais que moi je suis pas un adepte de Jean-Marie Bigard, mais les comiques finalement font du bien. On sait que le rire est très bon pour la santé. Les comiques sont plus utiles qu'une serviette hygiénique finalement. Je ne dirais pas ça, c'est pas comparable. Alors c'est discutable, hein. Il y a des comiques qui restent en dessous de la ceinture par exemple, il y a des comiques jetables, par exemple la fameuse Clara DM, elle aimerait bien que je me fasse jeter là tout de suite. Et des comiques, on en compte également bon nombre parmi les députés, par exemple Hervé Mariton, le député des Républicains. Alors lui, il milite pour la baisse des impôts, mais il est contre l'amendement. C'est rigolo. Pourquoi d'autre est-il contre ? Est-ce que les serviettes périodiques sont des médicaments ? Non. C'est quelque chose dont les femmes peuvent avoir besoin dans la vie. C'est pas un médicament pour autant. Il n'est d'ailleurs pas prévu. Elles peuvent en avoir besoin. Oui, il y a bien des choses dont vous avez besoin qui n'ont pas de TVA à taux réduit et qui d'ailleurs ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Mais c'est vrai, très bonne argumentation, hein, Hervé. Il y a pire, donc on ne change rien. Cependant, il y a aussi des choses dont Hervé aurait besoin et qui sont à taux réduit. Hein, un livre de Simone de Beauvoir, la TVA, elle est à 5,5. Un coup de pied dans les roustons, là il n'y a pas de TVA, c'est gratos. Hein, parfois la vie, c'est bien foutu. Mais parfois non. Concluons avec Pascale Boitard. Alors elle est secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Alors moi je me suis dit, elle va être pour l'amendement. Mais elle fait aussi partie d'un gouvernement qui n'en veut pas de cet amendement. Alors attention, principe de la double négation. Il n'y a pas de volonté de ne pas avancer. Il y a juste aussi une responsabilité budgétaire à avoir, qui est importante. Vous pensez que ça va plomber les caisses de l'État ? C'est pas une question de plomber les caisses de l'État. C'est une question que 55 millions d'euros aujourd'hui, c'est un chiffre important, c'est vrai ? C'est vrai, bien sûr. 55 millions d'euros, ça représente par exemple 0,6% de l'évasion fiscale en France. Ça représente aussi 2 ans de salaire de Clara DM sur France Inter. Bon, à vérifier celui-là, mais bon, c'est à peu près ça. Alors, les chiffres qui sont incontestables et que j'ai vérifiés, donc, c'est qu'à l'Assemblée, il y a 155 femmes sur 577 députés. La fameuse taxe tampon n'est donc pas prête de disparaître, car l'immense majorité de ceux qui décident des règles sont précisément ceux qui n'en ont jamais. Oh, c'est très joli ça, Guillaume Meurice. Rappelons que ce n'est pas un médicament, ça ne se prend pas comme des gélules. Parce que non. On est vite surpris, évidemment. Il y a des morts. Avec vous, Toby Nathan, on aborde le sujet 2. Il n'y a pas de lien entre le reportage de Guillaume et le sujet 2. Bah, je vois. Mais le troisième genre est reconnu par la justice. Alors là, qu'en pense Hervé Mariton ? Il doit s'étrangler. Oh là là, un AVC direct. Un AVC direct. Le troisième genre est reconnu par la justice. Le tribunal de Tours a ordonné la rectification de l'état civil d'une personne née avec une ambiguïté sexuelle. C'est un homme ou c'est une femme ? Il a un physique compliqué, lui. Petite terre à François Zardy, tu te vois ? Ou Jacques Dutronc. Excuse-moi, comment tu t'appelles ? Daniel. Ah, merde. Daniel ! Ah, j'aime bien. Bah, par exemple, politiquement, eh ben, ça swing. Hein, c'est Daniel, ça se porte bien, c'est unisex. Oui, ça marche pour les deux, quoi. Un extrait de Radio Star, un film avec Clovis Cornillac. Alors, est-ce que c'est un pas important dans l'évolution de notre société de reconnaître ce que j'appellerais cette zone grise entre le masculin et le féminin? Il y a aujourd'hui dans Libération Serge Effèze qui explique, psychanalyste, qui explique que le sens repose sur le conflit. Donc le choix d'un terme contre l'autre est générateur de sens. Donc on a masculin contre féminin et donc ça donne du sens. Et là, on a quelque chose entre deux. Donc il dit c'est intéressant d'explorer et de créer cette nouvelle identité. Est-ce que c'est un pas important? Il dit que c'est intéressant. Oui. Il dit que c'est intéressant. Oui. Et il cite Roland Barthes à ce sujet. En disant que le côté neutre de la chose ouvre le champ des possibles et qu'il y a tout à inventer. Bon, c'est-à-dire, ça fait un moment qu'ailleurs, dans d'autres sociétés, on a constaté ces choses-là. On compte habituellement 5 sexes dans les mondes avancés, on va dire. Ah, 5 sexes ? Oui, 5 sexes. C'est gangbang, c'est déjà pour dire de là. Ouais. 5 sexes, et je pense qu'il y en a davantage, en fait, hein, en vérité. Et que... Attends, excusez-moi, comment ça, 5 sexes ? Non, parce qu'il y a la moitié de la table qui est éclatée de rire, et l'autre qui se demande, mais quels sont les autres, en fait ? C'est-à-dire que vous avez des garçons-garçons, des filles-filles, des garçons-filles, des filles-garçons. Et Hervé Mariton. Et au milieu, et au milieu des neutres, en fait. Donc grosso c'est beaucoup modo, plus complexe que... Ouais. Grosso modo, c'est la classification qui a été adoptée, par exemple, en Australie, dans plein d'endroits comme ça, et on a reconnu ça. C'est vrai que c'est une très grande souffrance, et qu'il y a une violence qui a été faite à des individus. Ce sont des individus, c'est pas la majorité des gens, hein, bien sûr, hein, mais des gens qui naissent avec des sexes ambigus, comme ça, comme cette personne dont vous parliez, et bien une grande souffrance, parce que souvent on les opère, ensuite on les assigne à un sexe, et c'est pas du tout leur vécu. Mais donc la France rattrape un certain retard par rapport à d'autres pays. Elle rattrape un retard, mais c'est pas encore rentré dans la loi. Hein, c'est juste... C'est une décision de justice. C'est une décision de justice qui probablement fera jurisprudence et qu'il se passera quelque chose ensuite. Mais je trouve que c'est un progrès, oui, je trouve que c'est un progrès. Je trouve qu'aussi, il y a une sorte de retour, on tire en arrière l'évolution de la société parce qu'il y a des corps constitués, comme justement mes collègues, les psychanalystes, par exemple, qui disent « Ouais, non, mais les garçons, les filles, vous savez bien que toute notre théorie est basée là-dessus. » Alors qu'il faut accompagner, justement. Non, mais c'est que notre théorie est fausse. Mais c'est tout. Monsieur Tarnot, allez, je renvoie docteur Maboule. Bon, la conclusion, c'est qu'il y a quand même une très bonne nouvelle. Ça n'est que le début. C'est moi, je trouve chose, que c'est une très bonne nouvelle. Et voilà. Et sur cette bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est Clara Dupont-Mono qui nous parle de votre ouvrage, Toby Nathan. Oui, parce que vous êtes notre actualité, Toby Nathan. Merci beaucoup. C'est votre roman, donc il s'appelle « Ce pays qui te ressemble », il est paru chez Stock. Alors, dans ce livre, les époques se succèdent, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est le lieu. Le lecteur y voit passer 1925, 1942, 1952, mais le lieu, lui, il ne bouge pas. Et le lieu en question, ce sont les ruelles du Caire, au cœur du quartier juif. Donc nous, lecteurs, on est propulsés dans les petites rues où l'on se salue en disant « Que ton jour est la blancheur du jasmin ». C'est comme ça qu'on se salue. Voilà, ce qui est quand même plus élégant que le « Wesh ma gueule » de Guillaume Meurice. On est véridique, hein, à chaque fois, voilà. J'assume. On est dans les cours, sur les marchés, devant les synagogues, on est dans les mosquées. En fait, le personnage central de votre roman, c'est bien ce labyrinthe de ruelles. C'est une petite scène, et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est un procédé emprunté au théâtre, ce principe du lieu inamovible, c'est quand même très connoté théâtre. Et alors ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a les écrivains qui sont pas comme vous, qui désertent la rue et qui préfèrent les maisons, qui installent l'intrigue dans les cuisines ou alors dans les chambres à coucher, avec l'idée de traverser les murs. Et Gustave Flaubert adorait ça, il adorait percer les façades, notamment celles de la bourgeoisie. À mon avis, c'est en ça qu'il est l'ancêtre de Claude Chabrol. Il y a aussi les écrivains qui s'épanouissent dans les lieux de paysages naturels. C'est-à-dire qu'il leur faut des plaines, des forêts, il leur faut des volcans. Ça, c'est l'école plutôt Jack London. Et puis, il y a les écrivains de la rue, comme vous. Alors, visiblement, vous, il vous faut la foule, il vous faut la couleur, il vous faut le côté un peu bigarré, les bagarres aussi. Et en fait, en y réfléchissant bien... J'ai grandi dans la rue, moi. Voilà, et ben vous voyez, il vous faut sans doute, au point de vue du romancier, ce petit monde pour parler du monde en grand. C'est ça que je trouve très intéressant. Dans cette logique, on peut prendre pas forcément la rue, on peut prendre un immeuble qui sert de rue. C'est exactement ce qu'a fait Georges Perec avec La vie mode d'emploi, ou c'est ce qu'a fait un de vos congénères, qui est l'écrivain Al-Aswani, écrivain égyptien, avec l'immeuble Yacoubian. C'est exactement pareil, c'est le microcosme qui sert à parler du grand monde. Alors, vous n'êtes pas le seul, Toby Nathan, parce que en lisant votre livre, j'en ai pensé à un autre. Pour parler des Juifs de l'Europe de l'Est, au début du XXe siècle, il y a l'écrivain Isaac Bashevis Singer, Plaisir. Qui avait choisi une rue, une seule, à Varsovie. Le livre commence en 1906 dans une rue de Varsovie, qui est la rue Kroszmalna. Et son livre s'appelle « Le petit monde de la rue Kroszmalna ». Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait le petit monde dedans n'est pas anodin. Et à un moment, il écrit « Rien n'est plus comme autrefois. Quand je suis arrivée rue Kroszmalna, les filles qui n'étaient plus vierges risquaient les pires ennuis. Aujourd'hui, il y en a qui se vendent. » Et donc, rien que cette phrase, elle résume l'idée que la rue est le baromètre du monde. C'est-à-dire que le petit espace reflète les grandes évolutions. Et de la même façon, dans votre roman, au départ, la rue grouille de mélange. Les Juifs et les Arabes cohabitent. Les Juifs d'Égypte terminent même leur phrase par « qu'Allah te garde », c'est ce que vous rappelez. Et à un moment, Esther, un de vos personnages, dit des Arabes « leur Coran contient nos histoires et notre bouche est remplie de leur langue. Pourquoi ne sont-ils pas nous ? Pourquoi ne sommes-nous pas eux ?» 100 pages plus loin, on a des juifs tapés sur le trottoir et un autre tué dans la rue par une foule qui hurle « Égorgez le sioniste », on est en 1948. Donc vous voyez, à chaque fois, la rue, d'un point de vue littéraire, sert de lieu de bascule entre une époque et donc une autre. Alors à ce stade, c'est difficile de continuer cette chronique sans évoquer un autre écrivain que vous allez certainement reconnaître, qui est aussi égyptien comme vous, qui a eu prix Nobel de littérature et qui est Nagui Mahfouz. Voilà. L'autre aussi a eu le prix Nobel. Oui, oui, il a eu le prix Nobel aussi, il est aussi égyptien. Vous voulez dire que c'est moi après ? Ah, peut-être. Mais les titres des romans de Nagui Mahfouz, ce sont des adresses. Lui, il pousse le lien avec la rue jusque-là. Ses livres, ils s'appellent « Impasse des deux palais oui. »,« Passage des miracles oui. ». Et il y en a un qui s'appelle « La chanson des gueux », qui s'approche le plus du vôtre, puisqu'en fait, il raconte 100 ans de la vie du quartier du Caire, et à peu près comme vous. Oui. Et alors vous avez un autre point commun avec Nagui Mahfouz, c'est que vous voyez l'un et l'autre la femme de la même façon. Et oui, c'est-à-dire vos filles de papier, Toby Nathan, elles sont très puissantes, très généreuses, un peu sorcières et assez libérées. Et je dirais que finalement c'est tout Juliette, Charline et moi. Voilà. Je vous redonne les références. Ce pays qui te ressemble, de Toby Nathan, est paru chez Stock. Merci Clara Dupont-Moreau. Bien joué ma gueule. Vous avez reconnu votre ouvrage quand même. C'est-à-dire, je trouve qu'elle est géniale, quoi. Clara, elle est extraordinaire. C'est-à-dire. Mais dites-le à Guillaume Meurice. Oui, s'il vous plaît. J'avais l'impression que ça y est, mon livre c'était devenu un classique. On l'étudie et tout ça. J'avais pas pensé à tout ça quand je l'ai écrit. Et l'idée de la rue comme scène littéraire. C'est vrai. Ouais. Maintenant que je vous ai entendu. Ce pays qui te ressemble, paru chez Stock. Toby Nathan est avec nous jusqu'à 18h. Le troisième sujet avec vous. Figurez-vous qu'une note a été adressée aux fonctionnaires des impôts dans les Alpes-Maritimes. Cette note indique 5 mesures pour décourager les gens de s'adresser au guichet. Alors jusqu'ici, nous, on croyait que c'était pas fait exprès quand même. Bon alors, pour un dossier, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle a avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université. Il faut aussi que vous alliez au bureau de l'AMNEF, au bâtiment D, au rez-de-chaussée pour obtenir le formulaire E111. Hein, oui, bah faites pas. Si vous n'avez pas de documentaire là, vous ne pouvez pas vous faire rembourser vos frais médicaux et vos médicaments une fois que vous serez sur place, d'accord? Donc vous me remplissez tous ces papiers-là et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, l'intitulé de votre DEA, enfin toutes ces choses-là et puis voilà, tout ça. Pour partir en Erasmus, c'est un extrait de l'Auberge espagnole. C'est une information France Bleu Azur, donc une circulaire, un papier très officiel qui demande aux fonctionnaires de décourager les gens de venir au guichet. Hein, dites-leur que c'est plus long de venir au guichet que de faire ça sur Internet. C'est une information France Bleu Azur, donc une circulaire. Alors le message, c'est ne venez plus au guichet, sinon vous allez contrecarrer notre projet de virer 40% du personnel. Ça doit être un peu ça. Est-ce qu'il y a une explication psychologique ? Est-ce que vous avez l'explication pour nous de ce genre non, de vous chose. L'avez donné l'explication, mais moi je suis catastrophé par ça. Parce que moi j'avais une conseillère, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, les gens qu'on va voir pour leur demander des délais, quoi. Une conseillère, vous voulez dire aux impôts, au service des impôts. Ouais. Et j'arrivais parfois à la faire craquer, quoi. L'ordinateur, ça va être compliqué. Moi, je suis catastrophé par votre nouvelle. Hein. C'est là où on comprend la phobie administrative de Thomas Thévenot. Hein. Oui, parce que ça paraît une nouvelle. Enfin, c'est un papier dans un coin de France, etc. Mais révélateur. Ça fait peur. Bien sûr que derrière, il y a une histoire probablement de restructuration du personnel, j'imagine. Oui, l'idée, c'est effectivement de... J'en sais rien. 40% du personnel. La conséquence pour les personnes imposables, c'est une catastrophe, parce que c'est dans la relation humaine qu'on peut obtenir parfois de la grâce. Et puis la démarche de se déplacer déjà est une démarche qui prend finalement un sens. C'est pas des endroits riche. Rêvés. Quand oui, même. En plus. Non, en plus. Juliette Arnaud. On n'est jamais à l'abri de faire une bonne rencontre, déjà. Toujours garder ça en tête, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, non, c'est vrai. Dans le même temps, ils enlèvent les dernières cabines téléphoniques françaises. Mm-hmm. Donc, en gros, si tu n'as pas de téléphone portable et si tu n'as pas d'ordinateur. Tu procèdes comment ? Comment ça va se passer ? On paye pas ses impôts dans ce cas-là. On peut être Est-ce qu'on peut être exonéré ? Je ne sais pas. Si tu si t'arrives à prouver que tu n'as pas d'ordinateur et que tu ne comprends rien à avoir un accès à Internet, bim. Mais ce qui est aberrant, c'est dans une société vieillissante. La France est vieillissante et plus la France vieillit, plus on lui dit débrouille-toi sur Internet, alors que les gens ne sont pas forcément. Qu'est-ce que vous avez contre les vieux? Ah non, rien du tout. Mais, justement. On en connaît des très bien. Ah bon, d'accord. Justement. Non, mais de toute façon, un inspecteur des impôts, ça se regarde. Ouais. Et si on allait tous, si on allait tous au guichet rien que pour les emmerder. Allez hop. Oui, on arrive et on dit non, rien en fait. Non, rien, bonjour. Ça va ? On a pris un ticket. Toby Nathan, nous aussi nous avons une proposition très malhonnête à vous faire. Une tradition, c'est le sketch de fin d'émission, dans lequel l'invité a un rôle très léger pour vous, mais j'espère qu'il vous plaira, parce que c'est hommage à Astérix aujourd'hui. Sort Astérix et le papyrus de César, et ici, en direct du 16e arrondissement de Lutèce, nous avons le plaisir de vous présenter Astérix et le copain russe de Bachar. Nous sommes en 2015, après Jésus-Christ, toute la France est rattachée au Qatar. Toute ? Non, un petit village d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur. Astérix est là ! Je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Plastix Bertrand. Véridique chanson d'époque. Dis Astérix, c'est la crise dans le village, plus rien ne vend. C'est vrai, allons voir notre sage, analyse psychiatrix. Ah les jeunes, comment allez-vous ? Oh, on est déprimés. Il vous faudrait un peu de musique. On va demander au barde, hein. Francis Lalanus, tu sais bien qu'on l'a dénoncé au Qatari. Pour qu'il lui mette une burqa. Mais pourquoi? Quel est le problème? Mais les entreprises ferment, les ouvriers de la compagnie d'aéronefs Ergol ont été virés. Mais oui, par le DRH, tombé la chemix. Achetez vos poissons, il est beau vos poissons, c'est du poisson de race blanche. Il manquait plus qu'elle, alors la poissonnière. Achetez mon poisson de race blanche. Tais-toi, deux de QX. Mais plus personne veut acheter de mon poisson. Et ton ami là, le petit nerveux? Petit bonhomme, il m'a lâché aussi. Mais t'inquiète pas, deux de QX, la présidente du Front National, elle va te lâcher ton poisson. Comment elle s'appelle? La France, tu l'aimes ou tu la kicks? Je me demande un truc, on n'était pas censé parler de l'ami russe de Bachar? Bombarde l'État islamique? Oui, c'est vrai, on devait parler de ça. C'était même le titre du sketch, oui. Non bah oui, mais ça, c'est le problème avec les derniers épisodes d'Astérix. On espère beaucoup en voyant le titre. Et puis, on est très déçus, parce qu'il y a dedans. Astérix est là. Ça va cogner. Donc c'est un Belge qui chante, c'est ça. C'est Plastix Bertrand. C'est un Belge. Oui, c'est voilà. C'est plus beau succès. Et Toby Nathan dans le rôle de Annalys Psychiatrix. C'est ça... très très bien comme nom. Mais ça pourrait être un personnage dans un prochain album, pourquoi pas. Vous êtes friand, Astérix, le dernier album, vous seriez du genre à l'acheter ou... Pas tellement. D'abord, les bandes dessinées, je me suis arrêté à Tintin, moi, donc j'ai un peu du retard. Mais Goscinny, du temps de Goscinny, c'était grand, Astérix, quand même. Ouais, Goscinny. Oui, tu es d'accord avec vous. Parce que Goscinny, parce qu'il y avait de la pensée théorique dedans. Et de la drôlerie. Tintin aussi, il y avait de la pensée théorique dedans. Absolument. Et Tintin au Congo. Faut pas dire que du mal de Tintin au Congo. Ah bon, c'est bien dessiné. Pas seulement. Toby Nathan était avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Ce pays qui te ressemble, c'est paru chez Stock. Vous êtes dans les 8 derniers de la liste pour le Goncourt. Félicitations, Toby Nathan. Les 8 derniers, franchement, on va attendre un peu. Qui sont les premiers, en fait. Bon, oui, peut-être. Mais les autres sont tellement nuls. Moi, ils sont les 8 meilleurs. Avant le prix Nobel de littérature, bien sûr. Merci à vous, vraiment, Toby Nathan. Merci à tout le monde. Clara Dupont-Mono, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On se retrouve demain avec le magicien Éric Antoine. Et voici le mot de la fin. On va le laisser aux artistes signataires d'appels et de pétitions en tout genre. Je suis un artiste dégagé. Ce qui ne veut pas dire que je ne ressens pas les problèmes de mon époque avec la même acuité de cœur que n'importe quel pourri de gauche ou de droite. Dégagé, oui. Indifférent, non.